Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 21 mars la résolution numéro 137 et le faire-part sur la convocation le 11 avril de l'encensiste du Juche 2017 à Pyongyang de la 5e session de sa 13e législature.